Les pensées que je médite sont plus noires que l'anthracite. Mais que faire quand tu te fous si éperdument de nous? Si à rire je t'incite, c'est que mon humour anthracite a tourné en dérision ton dédain et ma passion. Mais prends garde, ma petite, à mon humeur anthracite. J'arracherai, animal, le cri et les fleurs du mal. Fleur de serre, fleur maudite, à la nuit noire anthracite. Je les prendrai malgré toi, sous les ronces de tes doigts. Allons, viens, viens et fais vite, que ta chaleur anthracite vienne réchauffer mon cœur et refroidir ma fureur. Tout contre moi tu t'agites dans une rage anthracite. Et qu'importe si tu mords, je veux ton âme et ton corps. C'est ton regard que j'évite, car le mien est anthracite. Et je ne veux point que tu vois tout l'amour que j'ai pour toi. Je t'aime, oh ma belle Aphrodite, à l'âme noire anthracite. Mais plus t'aimes, t'aimerais, plus me mine, minerais. Plus t'aimes, t'aimerais, plus me mine, minerais. Oui, plus t'aimes, t'aimerais.